dis-moi, Thibaut, t'as un très beau t-shirt ACDC aujourd'hui. Oh oui, dis donc. Oui, parce que cette semaine, j'ai perdu 2 points. Pas sur mon permis, hein. Non, j'ai perdu 2 points d'audition. Je suis allé à un concert. Alors moi, j'adore l'ambiance des concerts, hein. Les rencontres, les odeurs de fumée, de bière, de pisse. Oui. Je fais des concerts de rock, hein, pas des concerts de Justin Bieber. Remarque, lui, dans ses concerts, ça sent la pisseuse. Elle vomit. J'adore sortir sourd d'un concert. J'ai l'impression d'avoir vécu un bon concert. Tu vois, comme au sport, quand t'as bien transpiré, t'as l'impression d'être un grand sportif. Alors, souvent, tu sors sourd, pas à cause de la musique, non, parce qu'il y a toujours un connard qui veut te parler pendant les concerts et qui te hurle dans les oreilles pendant 2 heures. À quel moment le mec s'est dit, tiens, mais ça serait pas le moment propice pour engager la conversation, là? Et il y a aussi celui qui finit sourd et avec un limbago. Hein. Ça, c'est le mec qui a porté sa grosse sur ses épaules. Wow. Sympa pour elle. Les concerts de rock, c'est aussi les nanas qui montent leurs seins. Hein. Alors par contre, quelqu'un peut me dire pourquoi c'est toujours les moches qui font ça? Alors pendant un concert, hein, ça fait partie du folklore, hein, faut toujours siffler et huer la première partie. Hein. Là, tu te mets en mode con. Tu vois, tu te mets pas en mode tiens, j'ai du pif, ce groupe va aller loin. Non. Parce que tous les grands groupes se sont fait huer, hein, à leur début. Les Rolling Stones se sont fait huer, U2 s'est fait huer, Pete Doherty se fait encore huer. Alors aujourd'hui, hein, donc du coup aujourd'hui, j'ai des acouphènes, hein, mais ça va, hein, y a pas de Florian pour me hurler pantoufles dans mon casque. Bon, évidemment, ne m'écoutez pas, hein, protégez vos oreilles, hein, mais bon, ça va pas vous faire mourir d'un concert. Oh, joli.